2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Sur Prune 92 FM. Ouh, yeah. Boum boum, musique française curieuse. J'avais déjà oublié cet indicatif. On le kiffe trop. Oui, il y a une petite modification à apporter quand même. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le quatrième mercredi du mois. Ah, c'est le dernier mercredi du mois. Exactement, parce qu'il y avait un petit micmac cet été. Ouais, non, mais c'est pas le quatrième mercredi du mois, c'est le dernier mercredi du mois. Ce jingle qu'on a repoussé tant d'années à le faire et qu'on a sorti en quoi, 20 minutes? Si je me rappelle de cette session. On est ridicule parce qu'on en parle à chaque émission. Oui, c'est clair. L'an dernier déjà, quand on était en mode hebdomadaire, on en parlait toutes les semaines. Et là, en fait, moi, ça faisait un mois que j'avais pas écouté cet indicatif. Je l'aime trop. Pareil. Ce morceau de Serge Gainsbourg. Jonas, ouais. Comment ça va? Eh ben, ça va impeccable, très fort. Du coup, on a la patate, évidemment. Bah, une fois par mois, on a le temps de recharger les batteries. Ça nous convient bien, ce format mensuel. Après 8 ans d'hebdomadaire, après 230 podcasts, c'était bien de prendre un peu de recul et c'était bien de venir qu'à Prune qu'une fois par mois. Et les pads voulaient pas nous laisser sortir tous les semaines aussi, donc il fallait bien qu'on négocie quelque chose, quoi. Exactement. On n'est pas venu tout seul. On l'avait dit le mois dernier, on allait essayer de faire un DJ local, un DJ ou une DJ nantaise en première heure et un DJ un peu plus national en deuxième heure, un espèce de mix qu'on nous envoie. Et on a tenu parole. On va avoir en deuxième heure Donov, qu'on invite la semaine prochaine, un DJ de Lille. On a tout le temps d'en parler. Et on a en première heure avec nous en physique dans les studios Antoine et Stella Maris. Comment ça va, Antoine? Salut, ça va super bien. C'est pas vraiment ta première Boum Bomo? Bah, c'est la première Boum Bomo en tant que telle. Il y a eu une Balbomo, ouais, dans le cadre de la Grille Blanche en juin dernier, on avait fait une Balbomo. Donc là, on n'est plus sur les musiques françaises curieuses, on est sur les musiques des pays de France. On était vraiment sur une émission consacrée aux musiques traditionnelles. Donc tu étais venu ici même. Et tout aussi curieuse. Et tout aussi curieuse, exactement. On avait passé des musiques trad pendant. Waouh, ça avait duré longtemps? 3 heures. Hein. 2-3 heures, je crois. On était 4. Ouais. Petit big up aussi à Maxime du blog Le Folk Français N'Existe Pas et à Alex. Aka. Ouais, Aka. Ça, c'était en juin dernier. On n'a jamais mis le podcast en ligne, mais tu es de retour avec nous ce soir, Stella Maris. Yes. On va te poser quelques questions quand même, avant de, même si on a très très envie d'écouter ta musique. Alors déjà, il y a deux collectifs dont on peut parler brièvement. Le collectif Exocet, qu'on connaît très peu. Ouais. Collectif plutôt basé sur l'organisation de teuf, mais pas vraiment sur Nantes. C'est ça, on était sur de l'organisation d'événements pluridisciplinaires. Le but, c'était d'aller creuser dans les esthétiques marines, littorales, trouver des ponts avec les musiques électroniques, notamment les musiques dub, les musiques ambiantes, sur la culture sound system d'une manière générale en fait. Donc dub, techno et ambiante, musique acousmatique. Et d'avoir aussi une partie visuelle, quelque chose d'assez immersif. Malheureusement, on a lancé ce collectif juste avant les différents confinements et couvre-feu, donc c'était très dur de réussir à concrétiser quelque chose. On a réussi à faire des petits événements assez confidentiels par-ci par-là. On a survécu grâce à une chaîne de podcast sur SoundCloud. Et là, l'esthétique continue à perdurer. On va voir où ça nous mène. Moi, j'aimerais partir plus sur des sujets de label, là, à présent. Pourquoi, voilà, voir comment on peut renouveler tous ces concepts-là. Le collectif Exocet, donc, duquel tu fais partie, Stella Maris. Il y a un autre collectif qu'on connaît mieux sur Nantes, qui est le collectif Oz. Là, yes. Du coup, c'est plus concret pour nous. Il y a des teufs, il y a une émission sur DY10 aussi. Tu peux nous en parler un tout petit tout peu? Tout à fait. Ouais, Oz, c'est un projet, pareil, 100% événementiel aussi, actuellement. On organise de belles teufs qui sont aussi très immersives, plus sur une couleur plus psychédélique, sur le voyage. C'est des super événements, c'est une super team aussi. On est un bon paquet, on est une trentaine. Et puis il y a plein de choses à faire autour de tout ça. On aimerait t'écouter parler pendant des heures, Antoine. On aimerait aussi t'écouter jouer pendant des heures. Moi, je te vois vraiment comme une sorte de DJ érudit capable d'être bon en toutes circonstances. En techno, en dub, en musique française curieuse, en reggae. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai l'impression quand même que tu essayes d'explorer toutes les esthétiques possibles et imaginables en même temps? Je prends tout. Je prends tout. Je prends du rap, de la house, du noise. Enfin, je prends tout. Franchement, j'ai pas vraiment de direction, de genre. J'essaie justement d'essayer de démolir un peu tout ça, tu vois. Les époques, les gens. En fait, quand la musique est bonne, point barre. Et puis elle passe dans mes sets. Enfin, bonne, évidemment, c'est hyper subjectif. Hein. C'est quand elle me plaît, en tout cas. C'est ça. Le thème de mes sets, c'est la musique qui me plaît. Et ensuite, je rentre dans le contexte qui m'est offert. Le contexte en termes d'horaire, le contexte en termes de cadre, de personne. Enfin, je prends tout. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour toi, mais dans le cadre de Boom Bomo, musique française curieuse, il y a ce cadre, il y a ce contexte, et du coup je suis hyper curieux de savoir ce que tu vas nous jouer ce soir. Il nous reste 52 minutes, on pourra peut-être déborder d'une ou deux minutes, il te reste 55 minutes. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette session spéciale groove français francophone? Ah, plein de choses, hein. Plein de choses très différentes, il y aura de l'ambiance, de la musique concrète... Du post-punk, j'ai prévu plein de choses très différentes. On va voir dans quelle direction on va. Ça va être au feeling. Fantastique. On est arrivé dans les studios. On s'est un peu relâché, Jonas, on est arrivé genre il y a 10 minutes. Est-ce que le premier disque est déjà calé, Antoine, ou alors, pas encore? C'est sur. Ouais. En numérique, je pense. Hein, c'est non, c'est le premier, tu peux mettre le scud. Ouais. Donc c'est le vinyle, du coup, je mets le. Ok, d'accord, très bien. C'est la première piste? C'est la première piste. Allez, très bien. Il est déjà calé, prêt à envoyer. Parce que c'est Jonas qui va envoyer ça dès qu'on va lui faire signe. Stella Maris prend le contrôle de Boom Bomo. Vous écoutez bien Prune 92 FM. Si tu veux qu'on reprenne la parole pendant ton mix, on peut. Sinon, on reprendra la parole à la fin de ton mix, autour de 22h. Ouais. Juste avant d'envoyer la petite sélection que Donov nous a envoyée par mail cet après-midi. Stella Maris du collectif Oz et du collectif Exocet prend le contrôle de Boom Bomo. Jonas, c'est parti. Bonne écoute. Qu'est-ce qu'une chimère? Une chimère, du point de vue mythologique, c'est un être composite. Par exemple, un centaure, cet homme, moitié homme, moitié cheval, cet être moitié homme, moitié cheval, c'est une chimère. Thank you. milliards de milliards de molécules. Très, très, très, très dense. Ça a une structure végétale, ça tient sur une importance qui peut générer la multiplication réactive. Là, il y a un niveau de joint aléatoire. Et en gros, c'est du A, donc c'est du grand en 1 million d'années sur 1. Ça a vraiment poussé à la bouche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors là, c'est très, très moche. Jamais. Jamais arme juste. Jamais. Je passe par ici. Ici. Il semble que l'éducation stéthacoustique de l'oreille puisse être guidée par un enregistrement. C'est le but de ce disque qui gagnera à être écouté et réécouté dans le plus grand silence. Voici d'abord quelques exemples d'auscultation normale. À la pointe, le premier bruit est plus intense que le second. Thank you. c'était une complainte aussi. C'était le prêtre qui dansait devant la salle de bal. Et au lieu de s'arrêter de danser, ils avaient tous continué de danser. Alors ils avaient chanté ça, les pauvres danseurs, qui dansaient continuellement, nuit et jour. Et ils dansaient toujours jusqu'à ce qu'ils sont tombés tous inanimés. Punition. Mais comme je ne la sais pas. Ah ouais. Oui. C'était votre père aussi. Oui. Vous seriez venu avant, 10 ans avant, et on va trouver le vieux qui est au répertoire de 2 jours. Ah, oui, moins de 10 ans. Thank you. je n'irai jamais. Jamais je n'irai jamais. Jamais je n'irai jamais. Jamais jamais. On ne peut pas dire que le temps se couvre. Non. On n'a aucunement le droit de prétendre que les nuages s'amoncellent. Oh non. Le ciel est plus bleu que la peau de mes veines. Le paysage entrevu par inattention est vierge de toute souillure industrielle. On a planté beaucoup de choses un peu partout. Surtout du fil électrique pour le petit Noël des oiseaux. Et des plaques d'égout pour que l'eau sale retourne à l'eau propre. Thank you. dis-moi que tu m'aimes. Même si c'est un mensonge. Et qu'on n'a pas une chance. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes. Tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance. Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes. De plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. Que nos vies aient l'air d'un film parfait. Dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Je suis obligé de me cacher et c'est quelque chose que je ne supporte pas.

instant où le rideau de la nuit va s'entrouvrir sur la scène où s'est joué le drame d'une civilisation. Les personnages sont en place depuis l'aube de l'histoire, entêtés contre le sable et le vent. Et la voie du désert a traversé les siècles. Vous n'irez jamais plus loin parce que vous êtes arrivé. Vous êtes ici au commencement des temps. Ils ont vécu dans une de ces rares époques de certitude où l'homme sait ce qu'il fait et où il va par ce qu'il croit. Cet endroit est envahi par le côté obscur de la force. C'est un des domaines du mal. Akhenaton inventa l'humanisme. Qui ne vienne pas me donner de conscience ce qui concerne Marseille. C'était le vrai chill. Tu danses et wap sur les mots du frère Chill. Pas de brossard, écoute bien, je parle clairement le chill. Vous n'irez jamais plus loin parce que vous êtes arrivé. Vous êtes ici au commencement des temps. Funky est la rue, funky sans les monodies. Mais funky, funky, funky, funky. C'est dit dans la gueule, mais ça vient de la Méditerranée. Français et non de Paris, Paris, Paris, Paris. Vous savez quelle heure il est maintenant sur le micro. Le film est radicalement beau, musicalement chaud. C'est le dieu unique, l'Akhenaton, notre père des chrétiens et des musulmans, qui fit ressurgir dans la poussière de Thèbes ses chapelles. You can get a smack for this, I ain't no joke. Allo, cut, c'est chill. Ouais, tu peux leur dire qu'on va arriver bientôt, hein. Dans la 19361. On sera là, la première porte du temple. Allo, cut, c'est Gabs, tu vas pas là? Bon, je vais faire une méchante, méchante gâteau de cousine. Allez. Et alors quoi? Et alors? Théo, c'est malheur que t'en as l'appareil, mon frère. Bon, j'essaierai de les rappeler. Ok. 19, en fait, c'est le chiffre séquentiel dans lequel est écrit le Coran. 361, c'est le carré de 19. Et en fait, on prend le modèle d'une mosaïque, un cercle, dans lequel il y a 360 degrés, et il y a une rime pour chaque degré. 1. C'est le centre du cercle, c'est Dieu. 361, le carré de 19, est en fait un texte dédié à Dieu. En fait, c'est un concept complètement mystique qui a été élaboré il y a très longtemps. Cut, laisse-toi entraîner du côté obscur. Vous n'êtes pas arrivé à me tuer avant, je ne crois pas que vous me tuerez maintenant. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. Tu refuses de te battre, tu devras affronter ton destin. Vous êtes très... très français, en fin de compte. Merci. Stella Maris dans Boom Bomo. Le dernier track, c'était pas du tout Stella Maris, là. Non, pas du tout. Mais... Le Vous êtes très français, c'est un truc, c'est un jingle. Truc de Jonas, voilà, c'est un petit indicatif. Bravo Antoine, bravo Stella Maris. Merci beaucoup. Parfaitement introduit, parfaitement conclu. Entre-temps, on est passé par toutes les émotions, par tous les styles. Je te l'ai déjà dit en intro, je te le répète, j'ai tellement de respect pour les DJ 360 degrés comme ça qui sont capables de nous amener n'importe où. Moi, devant, quand toi tu mixes, et si je suis sur le dance floor, je m'abandonne complètement. Ça me touche. J'espère que ça arrivera bientôt. Ah, bah grave, avec grand plaisir. Il y a une belle date à Macadam qui arrive pour toi notamment bientôt. Carrément, ouais. En Macadam, donc ce sera pas en tant que Stella Maris, ce sera en tant que Stellar Gate. C'est-à-dire le mélange entre Stella Maris et Turtle Gate, que tu connais peut-être. Oui, tout à fait. Gaëtan de Hoz. On a monté un projet, un nouveau concept qui est complètement, incubé dans Hoz. C'est un projet 100% Hoz et c'est un mélange de techno, de trance spatiale, le tout ralenti, hein, c'est Turtle Gate quand même, faut pas aller trop vite. mais c'est designé pour le club et pour le dance floor, ça devrait bien se passer normalement, si on continue à bien travailler. Fantastique. Vite, hein. Est-ce qu'il y a des dates un petit peu plus estampillées Stella Maris? Écoute, pour l'instant, non, le calendrier est à prendre. Bon, avis voilà. Au programmateur. Il y a pas mal d'autres choses, il y a une reconversion professionnelle, parce que mine de rien, ça fait bientôt ça fait plus d'un an maintenant que je suis au chômage. De retrouver une voie pour se payer un salaire. C'est donc pour ça qu'il explore toutes les musiques. Nous avons percé son secret. Mais je reste dans ce secteur-là. C'est là que je vais faire ma conversion. Moi, j'ai envie d'ouvrir un studio. En fait, c'est un peu ma voie. Donc, je cherche ma voie là-dedans, dans la voie du studio, dans la voie de l'ingé son. T'es trop chaud, Antoine. Voilà. On kiffe trop ton son. C'était un pur plaisir de t'avoir dans Bal Bomo pour passer des musiques trad au mois de juin dernier. Yes. Et c'est un grand plaisir de t'avoir dans Boom Bomo ce soir. Avec cette pure sélection, il y a un track au milieu qui m'a bouleversé. Alors, j'ai bien aimé tous les morceaux, vraiment, hein. la façon dont t'as amené le Jacques Brel. C'est incohérent au possible et pourtant, ça passe grave. Enfin, j'ai pas compris, mais j'ai adoré. Et cette reprise de Lio. Ouais. Amoureux solitaire. Jenny Goes Dirty. Incroyable! Ouais. Ça, c'est un. Comment on appelle ça? Secret Bomb? Comment ils appellent ça? Secret Weapon? Secret Weapon. Ouais. Fantastique. Ouais. Tu m'envoies la tracklist ce soir ou demain. Et puis, quand le podcast sera en ligne, il y aura la petite tracklist avec tous tes Secret Weapon. Merci beaucoup, Stella Maris. Il est 22h01, Jonas. Normalement, c'est l'heure à laquelle on prenait l'antenne l'an dernier. Exactement. Donc, ça va. Bah, là, on a encore une heure devant nous. Et c'est trop cool, comme je le disais en intro, on respecte pour l'instant le plan de route qu'on s'est fixé, à savoir un DJ local en début d'émission qui est présent physiquement avec nous, comme ça on boit pas des bières tous les deux, voilà, on boit au moins des bières à trois, et ça c'est plutôt cool. Et en deuxième heure, un DJ national, alors pas national au sens connu, tout ça, plutôt national, au sens un DJ qui vient de plus loin, qui nous envoie un petit mix au format numérique, et celui qui nous envoyait un mix au format numérique aujourd'hui, c'est Donov, un DJ de Lille que l'on salue. Donov, qui est mon prochain invité pour la soirée Boom Bomo de vendredi prochain. Alors pas vendredi là, dans deux jours. Vendredi 9 décembre au rond-point Prix Libre, musique française et francophone. Ces soirées Boom Bomo, elles ont repris en fanfare depuis le Covid. C'est le bordel au rond-point à chaque fois. À chaque fois, à 22h, je me dis, putain, il n'y a personne, le bar est vide, fait chier. 22h30, il n'y a pas grand monde. En fait, minuit, c'est le bordel. C'est le feu. Je kiffe trop, c'est tough. Ça me rend vraiment heureux de vous voir venir au rond-point et danser. La dernière fois, c'était Chamé avec DJ Double D. Avec le closing sur le Régine, je survivrai, comme d'habitude. Exactement. Et si vous voulez encore faire un petit closing au rond-point avec moi, tout sourire et vraisemblablement moitié à poil qui joue Régine, je survivrai, il faut revenir donc le 9 décembre avec Donov, un DJ de Lille, joyeux luron de la scène électro et disco de Lille. Donc, il a l'air de faire pas mal de brocantes et de vide-grenier, lui aussi, pour chercher des disques curieux. Les mix que j'ai écoutés de lui et ce qu'on m'a dit de ses soirées, c'est qu'il y avait une pure énergie, une pure technique et un groove d'enfer. J'ai pas pu écouter le mix qu'il m'a envoyé parce qu'il me l'a envoyé cet après-midi et que j'étais en train de regarder le foot à la télé, désolé. Il y avait un truc à la télé. Ouais, il paraît. Okay. Donc je vais découvrir comme vous ce mix. Il m'a dit que c'était House Down Tempo, donc j'imagine qu'il va y avoir plein de belles surprises, vraisemblablement de la musique des années 90. J'en sais pas plus, on reprendra peut-être le micro d'ici, je crois que ça dure 51 minutes ce mix. 51 minutes 04, exactement. Donc on aura peut-être le temps de reprendre le micro, Jonas, si on n'est pas trop bourré à la fin du mix de Donov. Non. Si jamais on ne reprend pas le micro, une fois de plus, merci beaucoup Antoine et Stella Maris pour merci ton pure mix. On retrouve la tracklist demain en podcast. Et Donov, tout de suite au platine, un DJ de Lille que j'ai la chance d'inviter à mes côtés dans 10 jours pour la Boom Bomo. C'est le vendredi 9 décembre au rond-point dès 22h, Prix Libre. Jonas, on se retrouvera nous en décembre. Le jingle Boom Bomo va me manquer, je ne vais pas l'écouter pendant un mois. Ah. Allez, ça va très bien. Donov au platine, vous écoutez Boom Bomo sur Prune. A tout à l'heure. Yeah, I'll see you at this time. Thank you. Elle a changé mon existence avec toi comme une tigresse. Parce que t'as

كبدت فورني نسين سين سين سين وسين سين اللي بيني وبينك واه نسين سين سين سين نسين سين اللي بيني وبينك واه

moi malgré tout ça en fait. Quittez-moi là tout seul. Oh, Donne-moi vos platines. Bro, we're gonna dance. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ça. J'ai fait du yaourt. Gonna wanna dance. Oh yeah. Jonas, la prochaine soirée Boom Boom, on va te donner un micro directement au rond-point, ça va être ah trop ouais. cool. Ah bah vas-y, je suis chaud, hein. Bah sinon, j'apporte mon micro et mon changeur de voix, et puis je vous fais l'animation, ah ouais, ouais. Carrément. Comme si c'était la foire du trône. Ce serait incroyable. Ouais. C'était Donov aux platines dans Boom Boom, on peut l'applaudir aussi. Michto Donov. Merci Donov pour ce petit mix. Bien house down tempo, même si on a fini pas trop down tempo. C'était une bonne mise en jambe pour la soirée de vendredi prochain, vendredi dans 10 jours, quoi, vendredi 9 décembre au rond-point. Musique française curieuse, musique française et francophone de dance floor. On joue quand même beaucoup de trucs club des années 80-90. Il a bien capté la vibe Donov. J'ai trop hâte de croiser le fer avec lui et de faire péter le rond-point. Comme d'habitude, Jonas, il est 22h55, on est un peu en avance et en plus, il n'y a même pas d'émission après nous. Bah, c'est bien, on a encore des morceaux à passer alors. Est-ce que Stella Marie, c'est encore là? Toujours chaud. Est-ce que t'as pas un petit disque à nous passer par hasard? J'en ai plein, ça tombe bien. C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux nous passer si tu voulais? On finit à quelle heure du coup? Tu peux en passer un ou deux, disons. On va commencer par ça. Mettons un petit super parquet, c'est un scud que je voulais jouer à Balbomo et j'ai pas pu parce que le scud n'était pas encore sorti. Je m'étonnais de l'absence. Un vieux rip YouTube dégueulasse, et là je peux passer le scud donc profitons-en. Je m'étonnais de l'absence de super parquet dans ton mix tout à l'heure en première heure de Balbomo et finalement ça vient en bonus en fin d'émission. Il y en a eu un de super parquet, oh pardon. Ouais, la tracklist arrive, tu verras. Aïe, ce sera demain avec le podcast. Qu'est-ce qu'on écoute là maintenant tout de suite? Super parquet, adieu Priva, dédicace à tous mes airs des choix. Et à misère des choses. C'est parti. T'es la Marise de retour aux platines pour cette prise d'antenne. Yes. C'est pas vraiment une antenne pirate parce qu'on est encore sur le créneau. Voilà, on est bien. On est en train de pirater notre propre créneau, Jonas. Putain, c'est n'importe quoi. Vous écoutez Prune. Il est 22h56. Stella Maris, Donov et de nouveau Stella Maris. Voilà, exactement. Avec un track de Super Parker. Qui se lance parce que j'ai pas fait de bêtises. Navigons en avant. Je ne